ton temps. La Californie est une frontière entre mer et terre, le désert et la vie. C'est là que t'attends.